Cette semaine, on parle de Lightroom pour Android, de la distance minimale de mise au point, du fonctionnement des miroirs et de l'Expo 67. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 86. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de François Blanchette. Hey, hey, hey! Et Christian Jarry. Hello! Bonjour! Salut! 86e épisode déjà. Oui. Qu'avez-vous fait en photo depuis le dernier épisode? Moi, je suis allé voir un spectacle. Oh, bon. Tu voles la vedette à Christian. Ben oui. Ouais, je suis capable moi aussi. C'est correct, c'est bon ça. Je suis allé voir un artiste qui s'appelle Lou Doyon, qui est la fille de Jane Birkin, qui, ma foi, a offert un super bon spectacle. J'ai été épaté parce que je la connaissais même pas. Pourtant, c'est pas qu'elle n'était pas populaire, mais bon, ça arrive. Ça a juste pas donné. Non, des fois, ouais. Puis j'arrive là, puis ça a été vraiment une belle expérience. Je m'attendais pas à autant. Tu sais, des fois, il y a des bands comme ça que tu écoutes, puis tu le sens en partant. Ça sera pas mon genre de soirée. Mm-hmm. Elle, ça a fait complètement l'inverse. Ça a été une courbe là, ascendante là, tout le long du show. Ça, c'est génial. Et on aime ça. Ce qui m'arrive assez rarement, c'est que j'ai pas vu le temps aller. Ah ouais, hein? Je me suis rendu compte, c'est déjà le rappel. My God, il reste juste 2-3 tunes, puis c'est fini. Ça, c'est awesome. Ça m'arrive pas souvent. Puis j'ai trouvé ça très cool, mais... Pourquoi que je parle de ça? Parce que j'ai pas pris de photos. Non. Mais maudit qu'il y en a qui en prenaient. Ah oui. Ça m'énervait. Puis ça, j'ai pas. Vu que je vais pas voir autant de spectacles que toi ou que même la moyenne des gens. C'est intense. Je me suis dit, bon, j'ai hâte de voir le tas d'appareils qu'il va avoir dans les airs là, pour bloquer la vue. Puis, écoute, j'ai vu un gars qui a une tablette. Oh. Ouais, c'est débile. Ça me fait capoter. Ceux-là, il devrait y avoir, peu importe l'événement, un truc contre la prise de photos avec des tablettes parce que ça obstrue la vue. Là. Et téléphone. Moi, il y avait une fille à côté de moi. Là, l'iPad Pro commence à sortir. Là, où ça oh my God. Hey, je l'ai vu dans le centre-ville. C'est gros en tabarnouche. Oh, oui. Là. Je peux pas croire que quelqu'un va traîner ça dans un show. Mais... tu sais jamais. Ben, tant qu'à faire, en tout cas. La fille à côté de moi, elle sort son appareil. Elle prend une photo ou une vidéo plutôt, puis la lampe allume. Là, elle éclaire le monde en avant d'elle. Non, évidemment, le monde se retourne. On est dans un show intimiste, hein? Je ne l'ai pas dit, mais c'est assez intimiste. Là, la fille se retourne, il fait des yeux. T'sais. Fait qu'évidemment, elle essaie d'arrêter, elle n'est pas capable, elle ne comprend pas comment éteindre sa lumière. Fait que là, tout ce 10, 15, 20 secondes-là, moi, j'ai décroché du spectacle. Là, parce que là, je regarde la scène. Là, je commence à être un peu en maudit. Je me prépare à y parler, mais je vois bien qu'elle essaie là, d'arrêter. Fait que je me dis, bon, OK, elle s'en fout pas. T'sais. Mais un autre tourne un peu plus loin, c'est le gars avec sa tablette qui sort. Un autre, c'est deux filles saoules qui arrivent. Ils ont coté tout le monde pour rentrer en avant. Parce que moi, j'étais quand même assez en avant, peut-être à 6-7 rangées de la scène. Les deux filles seules arrivent, commencent à se faire des selfies. T'sais. Non, le monde n'a plus d'allure d'un show maintenant. C'est ben là, j'étais... j'étais vraiment de dos d'aller voir. Ils sont partis. Ils sont partis aussi, qui sont arrivés. Mais c'est comme, voyons, on peut-tu vivre notre moment? T'as-tu eu au moins la chance que le monde parlait pas? Parce que moi, ça, c'est l'autre affaire que je vois de plus en plus. Le monde parle, ferme plus leur gueule. Ils parlent tout le temps. Non, ça a été respectueux parce que dirais que la foule, elle avait une moyenne, puis ça, bon, ça n'a pas rapport avec l'âge, mais quand même, peut-être. En tout cas, il y avait 30 ans et plus, je dirais facilement. Non, ça a rapport avec l'âge. Bon. Par expérience, encore une fois, je peux te dire que si tu vas à des spectacles où ce que l'âge est plus bas, je m'excuse, je veux pas passer de commentaires, mais je l'ai remarqué moi aussi. Puis sincèrement, il y en a qui ont vraiment zéro classe. Tu sais que tu parles pendant la première partie, OK, mettons là, même moi, je suis pas un fan de ça, mais OK. Mais quand le band, il commence, là, zépite. Ma blonde, il a fallu qu'elle me retienne une couple de fois, là, parce qu'elle m'a dit, là, les autres à côté, je t'avais de leur dire. Ben, là, ça brise vraiment le moment que tu essaies quand tu vas voir Muse puis que tu es enterré, c'est pas pire, mais quand comme tu dis, tu es dans un spectacle un peu plus intimiste, puis l'autre à côté, il parle tout le temps. Allé voir l'année passée, c'était Damien Rice au National, puis il y en a un qui parlait tout le temps. Il était acoustique en avant. Ben voyons. Puis il parlait, j'étais comme, ta gueule! Ben voilà, c'était ma montée de lait, il fallait que je la fasse. Ben oui. Tu l'as bien fait. Donc, faites attention si vous prenez des photos dans un spectacle. Bon, ouais, faites attention à moi. Si je suis là, vous allez savoir. Mais pour de vrai, t'sais, on en parle souvent, je prends des photos, mais faites comme moi. Tu les prends à la hauteur de ton visage. Ben oui. De même, tu ne caches pas personne ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout le temps ça que je fais. Ça peut être très intéressant d'avoir des têtes de gens quand tu photographies un spectacle. Pas juste la scène. Tu peux avoir justement une idée de la foule qu'il y avait. Ou tu fais comme moi. Tu t'en vas, tu vas au Métropolis, tu te mets au deuxième étage. Aussi. Comme ça, tu n'as jamais de problème. Mais même à ça, là, excuse Stéphane, je sais, j'étire, là, mais même à ça, quand il y a quelqu'un qui prend une photo à côté de toi... Tu le vois, il y, y a de la lumière qui apparaît, ça dérange, tu sais. Moi, ça me fait débarquer de mon... Pourquoi faut que tu n'as pas de flash? Moi, j'enlève, le focus avec la lumière, je l'enlève. J'ai rien, là. Mon appareil photo... Mais parle de la lumière de l'écran, là, derrière. Ouais. Non, elle est fermée. Ah. J'ai tout pensé à ça. Je dérange personne, moi. Oui, avec un appareil photo. Oui. Puis tu regardes dans le viseur. Oui. C'est ça. Ça, effectivement, tu ne déranges pas grand monde, mais c'est la lueur de l'écran qui fait comme... Hey, OK, mon... Mais t'as raison. C'est comme avec la scène, je regarde ce qui se passe. J'ai vu une lumière apparaître. Avec les téléphones, là, les Nexus 6 qui ont 6 pouces d'écran en diagonale. C'est intense, là. Puis souvent, la luminosité est au maximum. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est pas cool. Ouais. Ah, puis tes photos vont tellement être meilleures que les autres, là, officielles, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ils veulent des souvenirs. On veut des souvenirs quand on va dans un spectacle où on veut s'amuser à réussir à prendre des belles photos aussi. Il y en a quelques-unes, mais il faut aussi que tu lâches prise à un certain moment donné. Moi, oui. Bon. Moi, je suis un vieux scrogneux, je suis désolé. Je voulais pas te le dire, là, mais... Bon, toi, Christian, quel spectacle as-tu photographié? Non, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent, mais pas encore, non. Non, j'ai fait des photos de produits. Mm-hmm. Je suis en train de faire un test pour un ami qui me l'a passé. Il m'a dit, c'est Guy Bécois, je fais un petit salut. Salut, Eric. Salut, Eric, c'est en plein ça. Eric, je travaille avec. Ouais. Puis il m'a dit, j'ai pas le temps de la tester, j'ai pas belle fibre. Il dit, ça te tente-tu d'essayer la Samsung View? Oui. Pour ceux qui savent pas, Samsung View, c'est une tablette, mais de 18 pouces. Ouais. C'est un peu gros. Donc c'est un téléviseur tactile qu'on met sur ses genoux. Oui. C'est carrément ça, sincèrement, parce qu'honnêtement, là, c'est pas génial sur Facebook tout ça. Là. Mais là, il voulait quelques photos, tu sais, là, je vais en faire aussi pour l'article éventuellement. Je n'ai pris quelques-unes. Fait que j'ai pris quelques photos de ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une photo de produit, entre guillemets, là. Fait que ça a été un petit défi intéressant. Cool. Moi, de mon côté, ben, je suis allé dans une soirée karaoké. T'as pas chanté, j'espère? Oui. Et bon... T'as des vidéos. Je suis toujours vivant. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook que vous n'avez pas vue. Et c'est tant mieux. I will survive. C'est ça que tu chantes? Non. Et là, mais j'ai pris des photos parce que j'avais... mon appareil, et j'avais ma 55 mm, ce qui fonctionne bien quand tu es en full frame. Oui, en parce que 50 mm capteur APS-C, ça fait serrer un peu. Ouais. Mais en 55, c'était parfait. On était dans une petite salle, ça s'appelle le Pang Pang à Montréal. Okay, bon. Puis c'est une place... de karaoké. Oui, mais coréenne. Donc, ah bon? Il y a beaucoup de chansons, de pièces coréennes aussi, pour ceux qui aiment ça, là, s'il y en a qui aiment ça. Mm-hmm. Mais ce qui est très drôle... c'est que tous les vidéos qui passent sur l'écran en avant avec les paroles, ça n'a rien à voir. C'est toutes des vidéos coréennes. Puis souvent, ça n'a rien à voir avec la pièce qu'ils jouent. Puis c'est vraiment drôle. Ça a ajouté une petite touche humoristique à la soirée parce qu'il y avait des aberrations. Faut pas trop se focus sur le vidéo parce que j'imagine à un moment donné, tu dois partir à rire. Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait une chanson un peu... dark, là, un peu lourde si on veut, puis là c'était des enfants qui tournaient autour d'un arbre, puis là, ok, ça marche pas. Ok. Mais bon, tout ça pour dire que évidemment j'avais pas de flash parce que j'utilise jamais de flash ou à peu près, mais là ça va changer là, avec mon achat récent. Pas de flash, rien, mais 55 mm f1.8, j'étais souvent à 2.2, 2.5, puis j'ai sorti des bonnes photos. J'en doute pas. C'est ouais. Je vais en mettre quelques-unes après avoir demandé la permission des gens. Mm-hmm. j'en mettrai peut-être une ou deux. T'es bien dans dressé, les notes, Stéphane. C'est bien. Mais oui, mais je passe aussi le message aux auditeurs. Si jamais il y en a qui ne pensent pas nécessairement de façon automatique à demander la permission, quand ils prennent des photos dans un événement où il y a beaucoup de gens, ben c'est toujours intéressant d'obtenir la permission de ces sujets. Et voilà. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait récemment. On va passer au bloc nouvelles. Christian, de ton côté, tu parles de Tamron. Tamron, on n'en parle pas énormément de c'est Tamron. On les néglige. On les néglige. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est des mauvais produits, loin de là. Là, ils en ont des très bons. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne que je vais dire que j'apprécie beaucoup ma 85 mm, même si je ne prends pas assez de photos avec. C'est pas parce que je peux pas ou je veux pas, c'est simplement ça donne mal. Je pense depuis un certain bout de temps à me faire une petite session photo à maison. Là, je suis dû. Mais bref, tout ça pour dire que j'apprécie bien là, justement cette possibilité de faire des portraits très, très cadrés, serrés avec la 85 mm. C'est le fun. Le seul défaut que je peux voir à une 85 mm, surtout avec un appareil comme le mien, c'est le manque de stabilisateur optique. Ça, c'est une chose. Ma 55 mm n'a pas de stabilisation non plus. Exact. Fait que c'est pour ça, souvent... T'es obligé de monter un peu plus la vitesse. En tout cas, tu sais, faut que tu joues un peu plus avec tes affaires. Fait que c'est pas toujours intéressant. Et petite parenthèse, d'ailleurs, au karaoké, je travaillais uniquement en mode manuel parce que c'est ça. Ça change trop de luminosité dépendant de comment... Avec l'écran, c'est ça, ce qu'il y a à l'écran et compagnie. Des fois, ça peut changer ta lumière et tout ça. Puis là, pour pas me casser la tête puis m'assurer de pas avoir trop de flou non plus pour pas que la vitesse baisse drastiquement et compagnie, ben je me mettais, je sais pas, je pense que j'étais à 1/80e ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça, la stabilisation, des fois, ça peut aider aussi. Ben, tu peux gagner 2-3, ben un cran des fois, ou quelque chose comme ça, là. Ça peut être intéressant, un ou deux crans. Bref, tout ça pour dire que Tamron a annoncé un appareil 85 mm 1.8 avec stabilisation d'image. C'est une première, il n'y en a jamais eu auparavant, fait que c'est très intéressant. On parle de quelque chose qui va être disponible pour Canon, Nikon et éventuellement Sony. Là, je viens de me commander une 90 mm 2.8. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus, faut non, dire. Ben, d'ailleurs, Tamron sort une 90 mm f2.8 aussi, mais le mois prochain, ben en mars, là, c'est là. Oui, même chose avec Canon, Nikon et éventuellement Sony. Mais... en fait, petite parenthèse, parce que je l'avais pas vu, je fais une petite parenthèse encore rapide. Quand j'ai vu cet article-là, je n'avais pas vu, il y a une mise à jour qui a été mise. Ce n'est pas le premier objectif 1.8 stabilisé. Ah. Il y a déjà eu un Zeiss Baptiste 85 mm 1.8 qui est stabilisé. Ah, bon. Mais bon, c'est dans les... disons qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, effectivement. Mais ils sont bons deuxièmes. Oui. Puis on voit que, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais Tamron, comme Sigma, a décidé de travailler aussi sur le visuel de leur objectif. Beaucoup plus léché, beaucoup plus mieux, sobre, plus sobre que c'était. Je ne sais pas si c'est l'équivalent. À surveiller. À surveiller. De mon côté, moi, je vous parle d'Adobe, qui a lancé une nouvelle version de Lightroom pour Android. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette nouvelle version de Lightroom pour Android? Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette nouvelle version? Elle est sur Android. Oui. Elle est sur Android avant d'être sur iOS, premièrement. Et d'ailleurs, à la conférence de presse à laquelle j'ai assisté, il y a quelqu'un qui avait passé la remarque. Il a dit là, est-ce qu'Adobe s'en va vers Android avant iOS? Il y a toujours des gens pour sauter aux conclusions, c'est partir clair. Des rumeurs. Non. Vous allez voir pourquoi. C'est probablement une question technique parce que ce que ça fait, cette version-là, elle contient une application d'appareil photo. Et là, on peut prendre nos photos directement à partir de Lightroom. Il n'y a pas autant de fonctions que l'application dont je vous ai parlé, là, caméra FV5 à l'épisode dernier. Mais si votre appareil Android permet la prise de photos en format DNG, en format RAW si on veut, le format RAW d'Adobe, eh bien, en les prenant dans Lightroom, elles vont se retrouver en format RAW et là, vous pouvez les retravailler comme si vous étiez dans Lightroom et ça se synchronise, comme avec Lightroom mobile. Et ça c'est génial. Ça commence à être puissant quand même, honnêtement. Oui, là, vraiment c'est... intéressant. Puis là, ben, c'est ça, il y avait un paquet de trucs là, qu'on peut... on peut ajuster à peu près tout ce qu'on peut ajuster dans Lightroom. Évidemment, bon, il y a quelques trucs qui manque, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité maintenant pour travailler avec ces photos. Malheureusement, mon Moto X-Play ne supporte pas le format DNG. Alors, j'imagine que genre les nouveaux Samsung qui viennent d'annoncer. Oui, le Galaxy S7, S7 Edge, oui. Puis il y avait, je ne sais pas si vous avez vu la performance en basse luminosité, mais c'est très impressionnant. Du S7? Oui, le LG G5 aussi, dont je vais vous reparler parce que je devrais l'avoir en test éventuellement. Voulez-vous tomber, vos deux bras vont peut-être tomber, il m'intéresse. Le LG G5? Oui. Oui, côté photo. Ben, pas juste ça. Aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il peut. C'est celui-là qui s'ouvre, qu'on peut changer la pile. Il est modulaire. Je trouve ça génial. Ah, vraiment, là. Mais ouais, mais ça, attends, là, quand t'es Android, t'as ça depuis toujours, là. Pas vraiment. Moi, tu vois, ça me surprend pas. Ben non, moi, parce que beaucoup d'appareils viennent de perdre ça. Les nouveaux, le Samsung, le R6, tu peux pas changer de pile. Il le ramène. Je sais, mais c'est de la façon que c'est fait. C'est de la façon que c'est fait. C'est que ce que moi, j'aimais pas, c'est les boîtiers tous de plastique. Puis c'est ça, moi, qui font que j'ai pas beaucoup accroché. Mm-hmm. J'avais bien aimé mon test du S6, mais tu sais, je me disais, bon, ben, tu sais, c'est comme un Android ou un iPhone. Oui, c'est deux boîtiers, mais tu peux pas l'ouvrir ni l'un ni l'autre. Fait. Tandis que là, justement, ce LG-là, ben on peut l'ouvrir, on peut faire ça, mais il reste un très beau boîtier solide, etc. T'entends. Oui. Toi, François, de ton côté? Ben moi, c'est l'histoire d'un utilisateur Instagram, OK, qui se promène comme ça, puis il décide de faire une belle photo. Mm-hmm. Fait que là, il s'équipe, il sort ses affaires. Il sort une corde, il sort un fouet, pour battre, tu sais, des œufs, une espèce de fouet de cuisine. Ouais, ouais. Okay. Puis il met de la laine d'acier là-dedans. Là, savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça, ces outils-là? Non. Toi, Christian, tu vois la photo, mais pas un mot. OK, de rien. Stéphane, t'as vu peut-être aussi. Oui, oui, je la vois, mais... Bon. Avec un fouet, une corde, puis... Avec un fouet pour battre des œufs, une corde, puis de la laine d'acier, qui est très, très fine. OK. Bon. Ce que ça donne, c'est qu'on met le feu à la laine d'acier, puis on fait spinner... Mais t'as pas mentionné le briquet! Ben oui, il faut allumer, évidemment. Mais, ah, ben non, mais tu nous as pas donné toutes les données. Là, je l'aurais eu, pas je le l'aurais trouvé. Tu l'allumes avec ta cigarette. Bon. Mais si tu fumes pas. Le spectacle est... Non. Laisse faire. Le spectacle est réussi, là. Tu sais, vraiment, ça fait... Avec une longue exposition, ça fait des flamèches qui volent partout, des longues tiges. Chose. C'est le genre d'effet qu'on a déjà vu à quelques endroits. Mm-hmm. Bon, c'est avec ça qu'on fait ça, finalement, tu sais. La photo est super belle. Bon, malheureusement, le feu il a pris dans son sujet. Oh, ben bravo, champion. Son sujet, c'était une épave de bateau sur la côte californienne, okay, qui était devenue au fil des années une attraction appréciée des locaux, des touristes, des photographes, évidemment. Là, fait que, ben là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'épave, ben, il faut qu'elle démolisse parce que le feu, il l'a brûlé à moitié. Là, c'est dangereux. Donc, elle est rendue dangereuse, exactement. Puis, ben, notre super photographe qui est allé mettre ça sur Instagram, il s'est fait avoir. C'est pas moi qui a fait ça. Moi, j'ai juste pris la photo, je passais par là. Yeah, right. Exactement. Oui. Il pense-tu vraiment qu'on va penser que le soir, près d'une épave... Avec son trépied, à faire une longue exposition. Exactement, puis qu'il y avait du monde qui se faisait du fun à faire des flamèches sur un bateau, là, tu sais, sans... Écoute, on connaît la technique, là, c'est ça. Ça prend une photographe. Un slow clap. Ouais. Fait que voilà. Ça, c'était, c'était mon champion de la semaine. En fait, c'était ta façon de dire « Pensez donc à ce que vous faites avant de le faire. Mm-hmm. » Ben, en fait, dans ce type de photo-là, pour avoir regardé des vidéos, parce qu'avant de commenter cette nouvelle-là, je suis allé voir comment qu'on fait cette technique-là, parce que je la trouve super intéressante. Ouais. Et dans toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées, et où les sites où on en parle, ils disent « Faites attention où vous faites ça, il y a danger de mettre le feu. » Parce qu'évidemment, c'est des tisons qui garochent partout. Là. Quand tu fais tourner ça, les tisons volent. Là, t'sais. Fait que lui, il s'en va faire ça dans une épave de bateau. Qui est là depuis très longtemps, donc bois très sec. Ben oui, c'est ça. Fait que... Ah, la photo est belle. Oui, c'est ça. Elle a été retirée d'Instagram depuis. Ça me surprend. Elle est encore dans l'article qu'on va partager. Là, évidemment, mais... oui, parce que pour les besoins de l'article, ils l'ont sauvegardée. Ouais. Mais sur Instagram, elle n'est plus là, effectivement. Voilà, ça se passe. C'est le champion, le champion du mot. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment trouver la distance minimale de mise au point pour la photo macro. Ben... macro ou non, mais c'est parce que quand on va à la distance minimale de mise au point, d'habitude, c'est parce qu'on veut faire de la photo rapprochée. Oui. C'est pas écrit sur l'objectif, ça? Non, c'est écrit pas sur l'objectif. Ah, ça peut être écrit sur l'objectif, oui. Hey, mais voilà, on peut passer au prochain sujet. Oui, mais c'est pas... sujet. Non, mais honnêtement... Bravo, Christian. Bon, alors on passe au bloc suggestion. Non, mais souvent, c'est écrit sur l'objectif. Mais moi, je peux vous dire que j'ai déjà... pris des photos plus près que la distance minimale indiquée sur l'objectif. Blaguais, mais je sais que ça me surprend pas. Oui. Tu te mets en focus manuel. puis ta distance minimale vient de réduire un peu. Ah bon? Okay. Oui, j'ai fait ça pour... j'avais fait des photos d'insectes il y a un an et demi, deux ans. Deux ans et demi, parce que c'était l'été. Mais j'avais pris des photos, puis c'était presque des photos macro, parce que j'avais encore... ça fait deux ans et demi, parce que j'avais mon Canon 60D. Et j'avais réussi à m'approcher vraiment de... D'une éphémère, là, d'une manne, comme on dit. Mm-hmm. Puis, j'ai calculé après en regardant là, comment je prenais ma photo et la distance était plus courte que ce que ça disait sur l'objectif. Okay. Parce que, en mode autofocus. Mais t'étais pas au foyer. Ben oui, je l'étais. parce que la distance sur l'objectif, c'est en mode autofocus. Donc, travaille en avant, en arrière. Fait qu'il y a un jeu là qui... Fait que tu peux gagner peut-être un centimètre ou deux selon l'objectif, ou je sais pas trop, mm-hmm. en focus manuel. On s'entend que quand tu fais du macro, ça peut faire une bonne différence. Oui, absolument. Mm. Bon, là, il y a deux façons de faire de la photo macro, de la photo très rapprochée. Il y en a une que c'est en prenant un objectif macro. Là, t'as pas besoin. La première façon, c'est avec beaucoup d'argent. Oui. Mm. Puis, c'est parce qu'avec un objectif macro, t'es pas nécessairement obligé d'aller à la distance minimale pour faire une photo très rapprochée. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser un téléobjectif, un zoom, Et là, vous avez besoin de savoir c'est quoi la distance minimale. Ce que ça suggère dans l'article qui m'a inspiré un peu, fait vouloir en parler, c'est le type prend une espèce de mur avec soit des tuiles de céramique ou quelque chose qui a une espèce de motif qui se répète et que là, tu peux calculer le nombre de tuiles que tu peux... prendre dans ton cadrage. Ah ou tu peux prendre une règle à mesurer ou quelque chose comme ça. OK, donc mais c'est ta première mesure. C'est que ça va te donner aussi le cadrage de ta photo, ce que ça va te donner. Là, ce que tu fais, c'est que tu zoomes au maximum de ton objectif. Et puis là, tu te rapproches tranquillement jusqu'à ce que l'image soit floue. Puis là, tu recules un peu. Puis là, quand c'est au focus, quand ton image est nette, là, tu regardes combien de tuiles ça a cadré. Puis là, ça va te donner... une idée aussi de ce que tu vas avoir dans ta composition aussi. Hmm. Parce que si tu fais juste prendre un objet, ça te donne une idée, mais tu n'as pas beaucoup de points de repère, tu sais, parce que tu as du vide autour. Là. Mm-hmm. Tandis que si tu prends un espèce de truc de céramique, de petites tuiles, on parle pas des carreaux de céramique de 30 cm, on parle des trucs peut-être de 2 cm par 5 cm, mm-hmm. Tu sais, comme un... Comment on appelle ça? Un backsplash sur un comptoir, là. Oui, le mur du fond, si vous avez des petites tuiles de céramique ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant. Ou, sinon... Fait que ça fait une chose de plus à traîner, un mur de céramique. Oui, avec un comptoir. Non, mais blague à part, sinon, une règle à mesurer, vous allez avoir une mesure, disons, entre votre cadrage va se trouver entre 7 et 11 cm, vous savez que vous cadrez à peu près 4 cm de haut. Mm. Puis là, ça peut vous donner une idée. Ah, donc, on peut se fier sur le chiffre qui est sur l'objectif, mais comme je disais, vous pouvez vous mettre en mode manuel, puis vous approcher physiquement, puis voir vraiment c'est quoi la limite de l'objectif qui va varier un petit peu. Moi, je vous le dis, des fois, à un centimètre ou deux, ça peut faire la différence dans votre photo macro. Dans absolument. En macro, c'est un millimètre, t'es pas au foyer. Là. Non, c'est ça. Mais... Surtout si tu travailles à grande ouverture. C'est ça. C'est une autre chose, justement. Quand vous prenez des photos très rapprochées en macro, justement, d'insectes ou de fleurs ou quoi que ce soit, on en reparlera peut-être aussi quand je me serai amusé un peu avec mon nouvel objectif. Et que l'été va être arrivé, idéalement. Oui, c'est ça. C'est que plus vous ouvrez, plus votre profondeur de champ est mince et peut se ramasser à être à peu près ça, un millimètre. Mmh. Ça donne plus... Tu sais, dépendamment c'est quoi ton sujet... Si tu veux le faire, tu veux faire un foyer sur des yeux, ça peut être cool. D'insectes, tu sais, limite. Ouais. Là. Mais là, c'est les pistils d'une fleur, tu vas juste voir les pistils puis rien d'autre. Le reste va être complètement flou. Puis t'es mieux d'avoir un méchant bon trépied rendu à ce point-là, parce que le moindrement qui bouge et c'est tout ça. Peut changer. Là. Mmh, absolument. Mmh. Ah, c'est intéressant. Mmh. En tout cas, c'est quelque chose à essayer. Oui. Puis ça serait intéressant si jamais il y en a parmi vous qui l'essayez. De me dire si vous avez une différence avec la distance minimale indiquée sur votre objectif, parce que peut-être que ça varie d'un objectif à l'autre. Ça se peut très bien. Mais moi, je me souviens que c'était avec le Sigma 1750 là, sur mon Canon 60D. il y avait une différence dans la distance minimale. On te croit, Stéphane. Oui, oui, moi, je suis d'accord avec la démarche. C'est comme ça qu'ils ont découvert que Volkswagen jouait avec les gens. Hein, parce que c'est des étudiants qui ont dit, nous autres, on va faire des tests sur la vraie vie, sur la route, et non en atelier. Où le logiciel était écrit. C'est ça, le logiciel comprenait qu'il était en atelier. Ah oui. Mais sur la route, ils pensaient qu'il était dans la vraie vie. Et voilà, c'est comme ça que c'était démasqué. Et des milliards de dollars de pertes en suivant. Ça leur coûte un peu cher. Oui. Oui. Je pense pas que ça va coûter cher si tu as plus. Tu sais, si tu es plus proche pour ton objectif, je pense que ça dérangera pas grand monde. Ça dépend. Si tu décides de dire que c'est pas vrai, les chiffres qui sont avancés sur l'objectif. Le contraire risque de te faire chier, mais si tu gagnes, d'habitude, il n'y a pas grand monde qui chiale. Si tu réussis à t'approcher plus puis que ça marche, tant mieux. Mais si t'es j'imagine plus le loin. Champion qui va poursuivre la compagnie de moi parce que non, ce que vous avez marqué là, c'est pas vrai. De 0.2 mm. Il doit être américain. Bon, excusez. Oui, le pays est poursuite. Ouais. Bon, alors on va passer au bloc suggestion. On va poursuivre. Oui. Excusez-moi. Non, c'est excellent. C'est pas toi qui voulais un peu de sérieux au dernier épisode. Ouais, ben oui. Hein? C'était le dernier épisode, c'en était un autre. Ah bon. Tu nous parles de quoi, là? Oh, c'était dit avec... autorité, ça paraît que j'ai des enfants. Mais hein. Oh, on agit pas mal comme tel en ce moment. Avez-vous déjà été curieux de savoir qu'est-ce que ça a l'air, les miroirs, comment ils fonctionnent à l'intérieur d'un DSLR? Je pensais que tu allais me dire à l'intérieur d'un Volkswagen. Ah là, on a changé de sujet. Oui, oui. Ben, moi, D'habitude, tu fais juste ouvrir la petite chose puis tu vois le miroir ou tu le vois pas. Ben, c'est ça. Moi, à part enlever mon objectif puis de déclencher, j'ai jamais vu, non, comment ça fonctionne. Un petit vidéo, vraiment pas long, c'est une quarantaine de secondes. Ça l'explique comment le miroir fonctionne sur la 5DS et la 5DSR. C'est relativement c'est simple, mais je trouve que c'est le fun. C'est pas quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Fait que je trouvais ça le fun là, de pouvoir vous montrer ça. On voit très bien le shutter, je sais pas comment qu'il l'appelle en français. Le voile. Le rideau. Le rideau, ouais, c'est ce que je cherchais. Ouais. Wow, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est assez impressionnant. Tout ce qui bouge, entre guillemets, là, il y a quand même plus qu'une pièce qui bouge, etc. On voit une bonne idée de qu'est-ce que ça peut l'air. Fait que c'est une quarantaine de secondes, c'est pas très très long. Puis tu sais, ça, c'est à une vitesse là, ultra ralentie dans la vie, c'est ultra rapide. Il faut que la mécanique soit solide. Tout à fait. Hein? Puis pensez-y que là, ça, c'est le genre de choses qui va fonctionner pour 250, 300 000, dépendant de l'appareil. Il faut que ça soit solide. Oui, oui. Il y a beaucoup de forgés là, là-dedans d'appliquer. Parfait. François, de ton côté, t'avais quoi, toi? J'ai, encore une fois, quelqu'un qui a une super idée que j'ai faite comme « Ah, j'aurais aimé ça avoir cette idée-là. » C'est un photographe qui s'appelle Jeff Friesen qui a parcouru le Canada, pas en train, parce qu'on peut le faire, évidemment, mais avec son train. Ah, OK. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené un petit train à échelle réduite. Ah oh, oui, je l'ai vu ça. Puis c'est un train miniature qui s'appelait The Canadian, dans les années 1950 à peu près, quelque chose comme ça, qui parcourait le Canada, évidemment. Donc, notre Jeff photographe, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il installe ses petites rails sur des bouts de bio, sur le bord d'une petite falaise, tout ça, mais il étudie toujours le décor autour. Puis là, on n'oublie pas, il travaille à échelle miniature, donc il choisit vraiment des décors qui donne une impression de grandeur. Mm-hmm. Évidemment, avec l'angle qu'il va prendre, avec les foyers qui sont différents, la profondeur de champ, il va s'amuser à faire. Des fois, on a l'impression qu'il fait de la photo avec, comment on appelle ça déjà, les objectifs? Tilt-shift. Oui, on dirait que des fois, c'est du tilt-shift parce que, évidemment, quand on est avec des petits objets, on s'approche. À décentrement, à bascule. Ah oui, oh, mon Dieu, que c'est beau. Mais c'est surtout pour l'effet de foyer que je parle. Puis ça fonctionne bien, vraiment. Il y a des superbes photos comme celle-là qui passent. C'est sur une rampe de métal, mais on dirait vraiment un pont au-dessus d'une ville. C'est impressionnant. Avec la vieille peinture. Écoute, ça marche au bout, son affaire. Bon. Vraiment, je suis jaloux. Je fais comme on peut tous faire ça. Mm-hmm. On est vraiment. Puis ces photos, ils sont professionnelles, mais pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, on pourrait les faire. C'est pas... On peut les faire. C'est pas. C'est vraiment. Tu sais, ces choix de cadre. On est capable de les faire et même mieux, je pense. T'sais. Je me rappelle celle-là que j'ai vue. Puis c'est des longues expositions. Puis sur le coup, je me posais la question. Tu sais, j'ai vu la photo rapidement, puis j'ai pas réalisé que c'était un train miniature sur le coup. Puis j'étais là, comment il a pu prendre cette photo-là? Ah, oui. Longue exposition avec le train. Ouais, qui bouge. Hein. ça rentrait pas dans ma tête. Puis là, c'est là que j'ai focusé un peu plus. J'ai vu, oh non, OK, c'est ouais. pas un vrai tu train. Tu t'es pas demandé comment ça se fait qu'il y avait des grosses roches de même? Parce que sur la photo qu'on regarde... Oui, je suis d'accord, mais en même temps... Ça serait des météorites. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, tu regardes ça, puis tu sais, tu vois la photo, parce que moi, je l'ai vu juste passer sur mon fil Facebook. Puis, sur le coup, j'étais comme... Hein? ça marchait pas, là. Il y a ouais. quelque chose. Mais le cerveau a pris un peu de temps avant de le comprendre, ce qui veut dire que c'est quand même très réussi. Ben, Jeff serait très heureux de t'entendre. Ouais, sûrement. S'il parlait français. Parce que sûrement qu'il parle pas français, mais... Ben, en tout cas... Non, c'est magnifique. C'est vraiment... Puis, c'est tellement bien, puis beau, puis le fun, que tu disais, hey, j'ai envie de le faire. Moi, j'en ai un petit train à la maison. Je me demande si je ne vais pas l'essayer juste pour moi, pour le kick. Je ne vais pas évidemment essayer de refaire une série non, de photos. Non, tu prendras une photo ou deux. Tu nous les partageras. Ouais. Puis on pourra en reparler à un autre épisode. Ouais. C'est une super idée. Puis évidemment, sur le site, il y a un petit texte qui décrit sa façon de voir les choses. T'sais, il explique que le Canada, ça a été découvert par le train comme ça. Puis c'est en s'approchant du sol qu'on peut s'approcher de ce qui est l'essence du Canada. Écoute, c'est quand même bien écrit. Ouais. Puis c'est un petit texte bien court, là, tu sais, fait que c'est vraiment génial. C'est vraiment... la seule chose qui manque, par exemple, c'est pas majeur, mais j'aurais été curieux de savoir où est-ce qu'il a pris ses photos. Ils sont là. Ils sont là. Si tu agrandis les photos, c'est écrit, là. Ah, ben oui, t'as raison, je viens de le voir. Ben oui, ben regarde, pour les intéressés, si vous bougez votre curseur en bas, c'est marqué où est-ce qu'il a pris la photo. Ouais. Ah, c'est intéressant. Merci, François. Moi, de mon côté, j'ai eu deux suggestions. Suggestion d'Olivier Tardif. En fait, c'est pas une suggestion. Il m'a partagé un album de diapositives qu'il a retrouvé dans son sous-sol de l'Expo 67. Parce que son père était journaliste. Puis, là, il sait pas. OK, fait que c'est carrément une archive personnelle. Oui. Là. Oui, c'est très cool. Écoute, je suis pas allé voir. Il faut que j'aille voir. Et ouais, puis ce que je vais faire en plus, moi, je vais ajouter à ça. Parce que. Quand moi, j'ai numérisé mes diapositives, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière, je pense. Parmi les 1800 diapositives que j'ai numérisées, il y en a quand même 25 de l'Expo 67 que j'ai retrouvées, que mon père avait prises. Hey. Mais là, c'est ça. Lui, Olivier, il y a des dizaines et des dizaines de photos. Et ce sont de belles photos, là, couleur de l'Expo 67. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Ça, je me devais de partager ça avec les auditeurs. Il aurait dû laver son capteur, par exemple. Ah ben là, moi aussi, hein, quand j'ai numérisé les photos de mon père, là, il y avait beaucoup de petits points noirs et tout ça. Et j'en ai corrigé plusieurs. Ah ouais, à la mitaine dans Photoshop. Ah oui? Oui. Tu voulais. Travail de moine? Oui, ben ça dépend. Il y a des photos, en tout cas. À mesure que je l'ai passé, là, je l'ai retravaillé, ça allait quand même assez vite. Écoute, c'est fascinant de voir ça. Ouais. Et la deuxième suggestion nous vient de Debbie Rouleau. Et ce sont des photos couleurs de la construction du métro de Montréal. C'est une archive pour marquer le 50e anniversaire de l'inauguration du métro. Donc, une grosse archive là, avec beaucoup de photos qui se trouvent sur Flickr. Et il y a encore plus que ça, là. De photos, là. Je pense que sur le site de la ville de Montréal, on retrouve plus de photos encore que ce qu'il y a dans l'album Flickr. Mais c'est vraiment intéressant. Là, on voit justement tous les motifs, là, les espèces de tuiles qui sont appliquées dans certaines stations de métro. Mais là, on voit quelqu'un en train de les mettre, en train de les poser. Méchant job quand tu regardes ça. Un paquet de trucs, c'est... Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ça me rappelle, j'ai peut-être une photo... Ah, t'as pris des photos toi aussi dans ce temps-là? Non, moi j'ai pris des photos... à l'inauguration de la station Montmorency à Laval. Ouais. Ça fait peut-être 10 ans de ça qu'elle est construite, qu'elle est ouverte. Et j'avais pris des photos de la construction d'une des stations, la station Concorde, je crois, et la station Montmorency à l'intérieur avec les néons qui partent au loin. Et là, j'ai accroché mon moniteur. Et en tout cas, d'autres photos que je vais peut-être pouvoir partager, mais 2 ou 3, là, c'est rien comparé à l'archive qu'on retrouve sur Flickr. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, des belles suggestions qui m'ont été proposées. Tout à fait. Ouais. Christian, toi, de ton côté, t'en avais une autre suggestion? Ben, je trouvais que c'était pas assez, juste la petite vidéo. Ben oui, j'ai préféré en trouver un autre. J'ai vu, c'était sur Petapixel, qui est un site que je veux voir souvent. Mm-hmm. C'est un photographe québécois qui s'appelle Zachary Turgeon. Il a décidé d'aller faire un voyage en Asie. Puis à la dernière minute, plutôt que d'amener son appareil photo DSLR digital, il a décidé d'amener sa SLR 35 mm. OK. Il a décidé de faire son vidéo. Il a pris un vidéo, là, oui, avec probablement genre une GoPro. Il l'a fixé sur la caméra. Il a pris quelques photos comme ça. Puis après ça, il a pris des photos juste avec ça. Puis c'est incroyable de voir la différence que ça fait. Ah oui, hein? Une photo prise avec un SLR versus un DSLR. Il y a des effets qui sont durs à refaire avec des DSLR versus DSLR. Je trouvais ça joli. Je trouvais ça le fun comme visuel. On n'a pas ça souvent. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est intéressant. Absolument. Bel appareil photo, d'ailleurs, quand même. Là, ils sont assez jolis. Son vidéo, il est super bien fait. Oui, il vraiment. Il y a du hyperlapse. Il y a du... Est-ce que c'est lui qui produit la vidéo? Oui. Wow, OK, c'est un professionnel. C'est quelque chose. Oui, ouais, c'est... Très, très cool. C'est un beau travail. Oui. Beau petit voyage en Asie. Oui, oui. François, toi aussi, tu as fait une deuxième suggestion, mon Dieu. 6 suggestions dans le même épisode. Écoute, je suis en feu. Oui, je vais vous parler des gagnants du UK Underwater Photographer of the Year 2016. Oh mon Dieu. OK, j'ai vérifié, j'ai vraiment bien vérifié, puis c'est bien des gagnants de 2016. Bon, je ne sais pas si eux autres, ils règlent ça en partant dans l'année. Oh, ça veut dire que oui. 1er janvier, let's go. C'est ça, let's go. On fait ça d'être là. On vous donne pas de chance, les autres. C'est réglé. OK, allez vous rincer l'œil sur ces photos-là, parce que c'est des photos sous-marines. Bon, ils ont été jugés selon plusieurs catégories, grand angle, macro, épave. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez voir ça, c'est juste super beau, c'est de l'art. Non, mais parle-nous-en. Ben oui, ben, je peux vous en parler. Ça fait longtemps que je rêve, j'aimerais ça. Si ça ne coûtait pas si cher que ça, les enclosures pour des DSLR, les boîtiers spéciaux. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le prix de ça, là, c'est comme 1 000-2 000 $ juste le boîtier. Ben oui, c'est... Mais ça me tenterait, j'aurais le goût. Là. D'ailleurs, j'ai hâte à cet été pour traîner, justement. C'est une petite GoPro, mais c'est pas grave. Regarde, je vais l'essayer dans l'eau, voir qu'est-ce que ça donne. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte. Mais il y a des photos que tu fais comme, OK, il y a des mises en scène. Okay? Oui. Moi, les photos sous-marines, ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, c'était souvent des photos sous-marines. On s'installe, on prend des photos, mais je savais pas qu'il y a des photographes qui vont carrément planter des flashs dans des épaves à 2-3 endroits pour créer une ambiance. Il y a une photo, là. Regarde, descend, là. Salut. C'est un bateau au fond de l'eau. Il y a carrément 2-3 flashs pour créer ça. C'est complètement magnifique. Il y a une autre aussi, c'est un moteur. Ou en tout cas, une espèce de qu'il y a fournaise. Du feu dedans, hein? Exactement. Là. Il a placé le flash avec un effet brillant. Dans le flash très rouge. Mais ça paraît à peine que tu es dans l'eau. C'est ça qui est écœurant. On le voit que t'es dans l'eau, mais en même temps, ça paraît pas tant que ça. Effectivement, l'art dans cette photo-là est là aussi. Tu sais, de faire croire que c'est pas dans l'eau, puis pourtant, c'est bel et bien dans l'eau. Ouais. Fait que voilà. Et ça, c'est une suggestion de Sébastien Manodrita, qu'on remercie. D'ailleurs, c'est lui qui nous avait suggéré le site de sculpture en photo 3D du dernier épisode. Je pense qu'on avait oublié de le mentionner. Oui. Alors, merci Sébastien pour ces deux suggestions. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas grand photo qui ont été prises dans le fleuve dans cette photo-là. C'est pas mal bleu-vert. Dans quel fleuve? Le fleuve Saint-Laurent, c'est pas bleu? Non. Mais on peut trouver toutes sortes de trucs, je pense. Hein? Des, ça électroménagers, pourrait peut-être être... Ça pourrait peut-être être intéressant, oui. Oui, parce qu'à une certaine époque, ben ça servait de dépotoir à j'imagine à nos grands-parents insouciants et compagnie. Mm-hmm. Ouais, dommage. Bon, ben ça conclut ce 86e épisode. Merci beaucoup, François. Merci, Steph. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, chers auditeurs. Au prochain épisode, je vous parle de mon objectif macro. Je vais m'amuser. Et peut-être du flash, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps d'expérimenter beaucoup. Ça va peut-être aller... au 88 ou 89. On verra. Mais je vais commencer à faire de la photo macro. Là. J'ai des petites figurines Lego qui m'attendent. Oui, je sais. Non, t'en fais beaucoup de ça, hein, déjà. Ça va juste être meilleur, j'imagine. Tu vas avoir vraiment un objectif macro dédié. Ouais. Mais en fait, il y a une des photographies de figurines Lego que j'ai faites qui est une espèce de zombie, là. Ça, c'était avec l'objectif Sony, justement, quand je l'ai eu en prêt. J'avais pris 4-5 photos comme ça pour l'essayer. Ouais. Ça, c'en est une. Mais sinon, oui, ça m'arrive de prendre des ensembles Lego. Ben, ça, c'est tellement amusant. Ben oui, c'est amusant. J'en ai monté trop avec mes enfants ces temps-ci. Il faudrait que je fasse ça, moi aussi. Ben oui. Bon. Ben oui, amusez-vous avec ça, les gars. Amusons-nous. prendre des photos seulement. Juste oui, prendre des photos. Absolument. Ben oui. Et on va parler d'un paquet d'autres trucs. Alors, on a bien hâte de vous retrouver d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs. À vos déclencheurs. Sortez faire un peu de photos.